c'est une vieille fille usée par de nombreux liftings. C'est celle qui met au trou ton copain, ta frangine. Elle se donne des grands airs, protège la République. Pour les riches, c'est Byzance, pour les pauvres, c'est la trique. La justice! Le garde au con, garde à vue, elle se charge des exclus. Elle fabrique des coupables qu'elle choisit dans la rue. Les procureurs, les juges expulsent les étrangers. Protège les policiers, j'ai honte d'être français. La justice! Il n'y a pas qu'en Syrie ou en Chine qu'on assassine. C'est ta patrie, la France, qui est une mauvaise copine. C'est la misère et le fric, la victoire en chantant. Dans les prisons françaises, il y a des innocents. La justice! Ce sont des femmes, des hommes que l'on traite comme des chiens. Beaucoup de justiciables qui sont dans la galère. C'est monsieur le président qui s'en lave les mains. Ce sont les députés qui n'ont pas que ça à faire. La justice! La police a besoin de coupables, de témoins. Le sûr Keranucci sont classés assassins. Pour Ivan Colonna, c'est un dossier à charge. Il sera condamné malgré les témoignages. Pace salute! C'est une vieille fille usée par de nombreux liftings. C'est celle qui met au trou ton copain, ta frangine. Elle se donne des grands airs, protège la République. Pour les riches, c'est Byzance. Pour les pauvres, c'est la trique. La justice!